Chapitre 2e. La cousine pauvre. Ce fut seulement la fin de septembre que Pigage vint s'installer au Plessis, et Martel eut ainsi 6 semaines pour faire mettre en état la maison qui lui destinait, bâtie sur ses terres, au bord du chemin qui du village conduit à la ferme, au milieu d'un assez grand jardin bien planté et entouré de belles haies vives. Elle était inhabitée depuis la ruine du Plessis, mais construite solidement, et n'ayant pas plus d'une 30aine d'années, elle ne demandait pas des réparations coûteuses. Sans doute, Pigage serait sensible au double avantage de ne point payer de loyer et d'être tout près de la ferme. Il le fut en effet et se montra franchement reconnaissant. Madame Pigage le fut beaucoup moins et n'eut pas même un mot de remerciement. « C'est sincèrement que tu parles de reconnaissance, » dit-elle à son mari, lorsque peu d'instants après leur arrivée, elle se trouva seule avec lui. « Assurément. Il n'était pas dit dans nos conditions qu'on nous donnerait le logement. » C'est une gracieuseté, et pour nous c'est une économie qui arrive à propos. Tu seras bien toujours le même. S'il voulait nous faire une gracieuseté, il fallait la faire complète. Puisqu'il nous donnait un logement, il pouvait bien nous le donner dans sa propre maison. Il y a tant d'appartements de libres. Cela eût été plus digne que de nous offrir cette petite masure qu'il ne trouvait pas à louer. Tu es son cousin, après tout. C'est bien en cousin qu'il me traite. En cousin. Elle haussa les épaules. Oui. Il pouvait te traiter en cousin, au lieu de te prendre comme une sorte de domestique. C'était de te prendre comme associé. Ne vas-tu pas lui donner tout ton temps, ton savoir et ton expérience? Cela valait bien l'argent qu'il apportait de son côté. Ton père n'était-il pas le frère de sa mère? N'es-tu pas son parent le plus proche? S'il ne s'était pas marié, Adèle était son héritière. Mais il est marié. Oui, et tu vas être son prend-garde à tout. Je serai son institutrice et Adèle sera le joujou de ses enfants. Tu trouves ça naturel? Je lui ferai sentir, moi, que malgré tout, nous sommes parents. » Cependant, elle accueillit fort gracieusement les avances d'Armande. Seulement, toutes les fois que celle-ci, en parlant, dit « Madame », elle répondit « Ma cousine », et cela jusqu'à ce qu'Armande en vint elle-même à dire aussi « Ma cousine ». La jeunesse de Madame Pigache n'avait pas été heureuse. Orpheline à 13 ans, sans que son père lui laissât autre chose que des dettes, moitié par pitié, moitié par calcul, on l'avait gardée dans sa pension, où personne ne devait plus payer pour elle, et brusquement elle était devenue une sorte de sous-maîtresse à tout faire, bien que restant encore élève. Le malheur aiguise vite à l'intelligence. Elle avait compris qu'il fallait plaire à ceux de qui elle dépendait, et savait à quoi avaient tendu ses efforts pendant 6 longues années. Le jour où elle avait eu son diplôme d'institutrice, elle n'avait plus pensé qu'à quitter au plus tôt cette pension qu'elle haïssait, et changeant de tactique, elle s'était efforcée de plaire à celle des élèves qui pourraient lui trouver une position dans le monde. C'était ainsi qu'elle était entrée chez les frères Cartier pour être l'institutrice de la fille du plus jeune. Elle n'avait point gagné à ce changement si laborieusement préparé. Autrefois un simple fermier, et parvenu à la fortune par des spéculations plus hardies que scrupuleuses sur les grains et les alcools, les frères Cartier, l'aîné comme le jeune comme l'aîné, étaient des modèles de dureté dans leurs relations sociales, d'ostentation dans leur vie intime. Le premier jour de son arrivée chez eux, il lui avait dit tout de suite comment elle serait traitée dans cette maison. Pour lui montrer le parc et ses dépendances, on avait fait atteler les chevaux à la calèche découverte. Monsieur Cartier jeune et sa fille s'étaient assis sur le siège de derrière. Elle s'était mise sur le siège de devant. Il faisait une magnifique et chaude journée d'été, et le soleil lui frappait d'aplomb en plein visage. Pour s'en préserver, elle ouvrit son ombrelle. Mademoiselle Cartier avait oublié la sienne, mais cela était sans importance. Elle avait le soleil dans le dos, et encore elle en était préservée par les plis de la capote à moitié baissée. Mais son père n'en jugea pas ainsi, et s'arrêtant dans une démonstration qu'il était en train de faire à sa nouvelle institutrice, « Donnez donc votre ombrelle à Mademoiselle Cartier, » lui dit-il durement. Il y avait 4 années qu'elle supportait sans se plaindre, mais impatiemment, les exigences de son élève et les insolences du père et de l'oncle. Lorsque Pigache fut installé comme directeur de la ferme considérable qu'il venait de joindre à leur château de Noyon. Elle avait alors 24 ans. Quoique maigre, de la maigreur jaune des vieilles jeunes filles, elle était agréable, sinon jolie, admirablement faite, des yeux d'une vivacité électrique, de beaux cheveux, intelligente, causant bien, partout à son aise, gracieuse et coquette d'un rien. Il fut fou de joie lorsqu'elle consentit à l'épouser. Elle eut peine à se retenir de lui sauter au cou le soir, où en tremblant, il se décida enfin à faire sa demande si longtemps attendue. Tous deux durent en rabattre. Il avait voulu une femme assez simple dans ses désirs pour se contenter de la position modeste qu'il pouvait lui offrir, et il avait cru la trouver dans cette jeune fille, peut-être un peu bien élégante pour lui, peut-être un peu trop coquette, mais que l'expérience avait dû habituer à une vie sévère. Il trouva une femme maigrie par la lutte, faussée par le besoin de plaire à chacun, pleine de convoitises pour tout ce qui lui avait manqué, follement ambitieuse et par-dessus tout dévorée d'envie. Elle avait eu bien des raisons pour l'accepter. Depuis longtemps, elle sentait que le mariage seul la franchirait de la servitude dans laquelle, institutrice, elle userait sa vie. Mais combien difficile pour elle était le mariage. Elle ne voulait pas plus d'un ouvrier ou d'un petit boutiquier que les chercheurs de dot ne voulaient d'elle. Si, par son éducation, Pigage n'était pas précisément homme du monde, son instruction réelle et ses connaissances spéciales lui valaient partout une certaine considération. Avec cela, beau garçon, facile à vivre, doux, sympathique à tous. Il était pauvre, il est vrai, mais cela établissait entre eux une égalité de situation qui mettait l'avenir à l'abri de tout reproche. D'ailleurs, il avait pour le moment une position honorable. Excité par un esprit hardi, on pouvait compter qu'il saurait bien se pousser dans la vie, faire sa trouée comme un autre, gagner une fortune. Les frères Gertier, qui n'avaient jamais eu instruction ni éducation et qui étaient partis de bas, étaient bien arrivés. Pourquoi ne creuserait-il pas sa route comme eux, lui qui avait en main de meilleurs instruments? Elle ne trouva point en lui l'homme entreprenant qu'il fallait à ses desseins, loin de là. Dégoûtée par une première et désastreuse expérience de tout ce qui entraînait une responsabilité personnelle, il ne consentit pas à tenter les aventures où elle essaya de le pousser. Rien ne fit, ni raisonnement, ni menace, ni caresse. Un moment, elle eut une lueur d'espérance. Comme annexe à la ferme, on avait construit une distillerie. Lorsqu'elle fut achevée, la machine ne put point fonctionner. Pigage se mit à l'œuvre et répara pratiquement les erreurs théoriques de l'ingénieur qui était venu de Paris diriger le montage. « Puisque tu es si habile, lui dit-elle, pourquoi n'inventes-tu pas des machines agricoles? Il y a une fortune à faire en exploitant les brevets. » Il répondit simplement qu'il pouvait bien faire fonctionner les machines des autres, mais qu'il n'était pas capable d'en inventer de nouvelles. Vivant de peu et sans désir, il était le plus heureux du monde si, en rentrant le soir, il la trouvait un peu en toilette. Il causait joyeusement, puis après dîner, il s'endormait au coin du feu. Toute la semaine, il attendait le dimanche pour faire avec elle une partie de domino, pendant que leur fille bâtissait des châteaux de cartes. C'était là, pour lui, le suprême bonheur. Il ne souhaitait rien au-delà, si ce n'est ne pas quitter ses vêtements de tous les jours et ne pas se brosser les ongles. À cela près, le meilleur mari de la terre, tendre, fidèle et passionné. Seulement, ce n'était point ce mari-là qu'elle avait cru épouser. Lorsqu'il avait reçu les propositions de Martel, leur dissentiment avait recommencé. Il voulait accepter, elle voulait qu'il refusât. C'était encore une position inférieure, sans avenir. S'était-elle mariée pour, après cette année de mariage, redevenir institutrice? Pourquoi ne pas tenter la chance? Il avait des relations. Il trouverait bien à emprunter un capital. Il connaissait à fond le commerce des grains. L'occasion n'avait jamais été plus belle pour faire fortune. À cela, il répondit qu'il ne voulait point aventurer l'argent d'autrui, que ce n'était pas quand on avait déjà des dettes qu'on devait en faire de nouvelles. Enfin, que Martel était un ami pour lequel il serait heureux de travailler. Quand elle revint à la charge, à ses plaintes, ses excitations ou ses reproches, il opposa son moyen ordinaire, l'inertie. Aussi, lorsqu'elle arriva au Plessis, était-elle dans les plus mauvaises dispositions. Elles s'adoucirent bientôt, car la vie nouvelle qui lui fut faite n'avait rien de celle que pendant 7 ans elle avait menée à Noyant. En descendant de voiture, elle avait trouvé Armande qui l'attendait et qui, lui tendant la main, lui avait dit gracieusement « Jusqu'au jour où vous serez tout à fait installé, vous m'appartenez pour la table et le logement, et moi je vous appartiens pour vous aider à tout ce que vous voudrez. J'ai de la réputation dans la couture, vous pouvez donc m'employer à faire ou à réparer vos rideaux. Je n'ai pas la main trop malheureuse et ne casse presque jamais. » Vous pouvez aussi me confier votre vaisselle. Pour le reste, je fais sans murmurer ce qu'on me commande. Employez-moi donc. « Ma chère madame Pigache, dit Martel, il y a ici des chevaux et une voiture, quand vous voudrez aller à Paris. » « Quand vous voudrez aller à Paris, il est entendu, une fois pour toutes, que chevaux et voitures sont à vous. » Ces bonnes dispositions ne se manifestèrent point seulement en paroles. Quoiqu'elle eût qualifié sa nouvelle maison de petite masure, elle était plus grande que celle qu'elle venait de quitter. Aussi, lorsque son mobilier fut en place, parut-il danser entre les murs. Armand tâcha de cacher les vides. Précisément, elle avait, pour la salle à manger, un buffet qui ne lui servait pas. Une table à ouvrage fut cassée dans le déménagement. Précisément, elle en avait une qui semblait faite exprès pour la remplacer. Madame Pigache laissa voir qu'elle désirait vivement une lampe suspendue dans sa salle à manger, parce que cela était distingué et qu'elle ne s'en privait que parce qu'il fallait se faire une raison. Armande pria Martel d'en rapporter une de Paris. « En même temps, je commanderai des tapis aux Gobelins et un service à Sèvres, » dit-il en riant lorsqu'il se fut acquitté de sa commission. « C'est un peu trop, mais l'utile, ce serait de leur envoyer une voiture de bois. Il y a des ormes dans la prairie Fouquet qui brûleront bien. Je leur ai fait porter tantôt 2 mannes de poire. Il n'y avait pas de crassane. » Il y avait loin de là au procédé de messieurs Cartier Frères, qui tous les ans, au mois de janvier, retenaient au directeur de leur ferme 2 francs pour le ramonage de son habitation personnelle. Il fut établi de fondation que tous les dimanches, monsieur et madame Pigache dînerait avec Adèle à la ferme. Souvent, on invitait 1 ou 2 amis intimes, madame Aigbel, Frabal, Gaillot, un sculpteur que ses bustes de femmes étaient en train de rendre célèbres. C'était un souffle de la vie parisienne qui, pendant quelques heures, passait sur le Plessis et Pigache ne s'endormait point au coin du feu. Ce jour-là, les enfants avaient le droit d'entrer au salon et pour eux aussi c'était fête, car il y avait 2 grandes armoires vitrées qu'on ouvrait et qui étaient pleines de curiosités avec lesquelles il était permis de jouer. Tout entier à la commande du prince, Martel fut forcé de négliger peu à peu les travaux de sa ferme. Bientôt il ne sortit plus qu'une heure par jour après le déjeuner. Alors, Armand et lui montaient à cheval, et par n'importe quel temps, bien encapuchonnés quand il pleuvait ou neigeait, ils trottaient tous deux à travers champs. Ils allaient voir si les blés à peine levés ne jaunissaient pas, si les grands vents de la dernière nuit n'avaient point desséché le colza. À ces promenades se bornait leur surveillance extérieure. Ils s'en rapportaient à ce que Pigache disait tous les soirs des travaux de la journée. Il était le vrai maître de la ferme, comme madame Pigache était la vraie maîtresse de Victorine. On lui avait fait disposer au rez-de-chaussée une grande et belle pièce dont elle avait la clé et où, pendant 2 heures par jour, elle devait commencer à habituer Victorine bien plutôt à se plier à une volonté étrangère qu'à travailler. Ces marques de confiance, ces attentions, cette cordialité, le bien-être dont on s'efforçait de l'entourer, les plaisirs qu'on lui faisait partager, tout cela finit par modifier ses premiers sentiments à l'égard de Martel et d'Armande. Il y eut une chose toutefois qu'elle ne put jamais pardonner à celle-ci, sa supériorité. Heureuse, elle se rappela avec moins d'amertume les souffrances de sa jeunesse et fut moins âpre dans ses convoitises. Mais elle avait sous les yeux, sans cesse, une femme jeune, jolie, intelligente, et pour sa jalousie, pour sa nature envieuse, c'était un aiguillon continuel. Pourquoi Armande était-elle riche tandis qu'elle-même était pauvre? Pourquoi Armande donnait-elle tandis qu'elle-même recevait? Pourquoi était-elle envieuse et pourquoi Armande ne l'était-elle pas? Armande avait les cheveux blonds, les siens étaient d'une nuance indéfinissable, ni noir ni châtain. La peau d'Armande était rose et transparente comme celle d'une enfant. La sienne était rugueuse et bistrée. Quoiqu'elle sentît avec une poignante justesse son infériorité, il y avait un point sur lequel elle croyait l'emporter incontestablement. Elle avait la main longue, maigre, blanche, avec des doigts effilés et des ongles taillés en amande. La main d'Armande était potelée, les doigts charnus s'amincissaient en fuseau, sur les articulations se creusaient des fossettes, les ongles un peu recourbés s'incarnaient dans les chairs. Madame Pigache était très fière de sa main, qu'elle trouvait distinguée. Il ne manquait pas une occasion de la mettre en parallèle avec celle d'Armande qu'elle croyait commune. Quel ne fut pas son étonnement d'entendre Gaillot annoncer un dimanche soir qu'il ne partirait pas le lendemain. « Car j'ai un service à vous demander, » ajouta-t-il en s'adressant à Armande. C'est de faire une étude de vos mains. Martel a dû vous le dire plus d'une fois, vous avez la plus belle main antique qu'on puisse voir. Il y avait 2 mois à peu près que Madame Pigache était au Plessis. Lorsqu'un jour elle vint trouver Martel dans son atelier, elle semblait vouloir s'entourer de mystères. Êtes-vous bien sûr de votre berger? Dit-elle. Qui, Hutin? Oui. Depuis plusieurs semaines, il paraît embarrassé. Il répond à peine, et si l'on insiste, il ne répond plus du tout. Je l'ai observé. Assurément, il y a du louche dans sa vie. Vous avez eu du mal à apprendre ça. Êtes-vous sûr qu'il ne sort pas de prison? Mieux que ça, il sort du bagne. Vous le connaissez et vous le gardez. promettez-moi de ne parler de son secret à personne et je vous le confie. Ça vous fera plaisir et ça lui épargnera des questions qui doivent l'inquiéter, car vous l'avez questionné, n'est-ce pas? Un peu. Un soir de ce mois d'août est arrivé un pauvre diable mourant de faim et de fatigue. Il cherchait du travail. Je venais de renvoyer mon ancien berger. Je lui offris de le remplacer, mais il n'avait pas de papier. Le lendemain, soit désir de travailler, soit que je lui eusse inspiré confiance, il me conta son histoire. Elle me toucha. Libéré depuis 2 ans, il avait été renvoyé en résidence à Clermont. Non seulement il n'y avait pas trouvé de travail, mais il y était devenu la bête noire des enfants qui le poursuivaient dans les rues à coups de cailloux. Un jour, le fils du commissaire de police lui avait cassé 2 dents avec une fronde. Un autre jour, qu'il dormait dans une carrière, on l'avait enfumé avec des ajoncs. Il s'était sauvé. Il venait à Paris pour chercher une dernière fois du travail, et s'il n'en trouvait point, pour faire, disait-il, un mauvais coup. Il voulait tuer un gendarme ou un commissaire de police. J'en eus pitié. Je pris des renseignements. Ce n'était pas un concurrent pour le prix Montyon. Mais ce n'était pas non plus un homme perdu. J'obtins qu'il ne fût pas mis en jugement pour rupture de ban et qu'il pût rester ici. Un forçat. Ma chère madame Pigache, je plains ceux qui n'ont pitié que des honnêtes gens. Hutin ne m'a pas encore fait repentir un seul jour de lui avoir tendu la perche. Voilà son histoire. Vous voyez que vous aviez raison de trouver en lui du louche. Seulement, vous avez eu tort de ne pas me demander quoi. Cela vous eût épargné une enquête. Nous sommes donc curieuses. Curieuses ? Elle était à se donner la fièvre pour un rien. Quelqu'un passait, quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu. Il fallait qu'elle sût où il allait, d'où il venait, qui il était. À la pension et chez les frères Cartier, elle avait vécu l'oreille à la fente des portes. À Noyant, pendant 7 ans, elle avait tenu le rideau de sa fenêtre à moitié ouvert et son visage collé à la vitre. Au Plessis, elle s'était occupée de Hutin, parce qu'il ne ressemblait en rien aux gens de la ferme. Mais il y avait quelqu'un qui, bien plus ardemment que Hutin, excitait, torturait sa curiosité, Armande. La vie de Martel, elle la savait à peu près jusqu'à son mariage, car Pigache avait toujours été en relation avec lui. Mais Armande. De son enfance malheureuse auprès de son père, de sa jeunesse, de son éducation auprès de son grand-père, on parlait volontiers. Mais pourquoi jamais un mot de son premier mariage et du temps qui s'était écoulé jusqu'à son arrivée au Plessis? Pourquoi cette lacune? À toutes les interrogations plus ou moins adroites, à toutes les insinuations, pourquoi un silence absolu chez Martel aussi bien que chez Armande? Était-ce pour ne pas rappeler des souvenirs pénibles? Mais le temps qui s'était écoulé entre la dissolution de ce premier mariage et le second, là, il n'y avait pas sans doute que des douleurs à évoquer. Que de questions agitées dans une impatiente curiosité. Plus d'une fois, pendant les heures de travail, elle interrogea Victorine. Mais comment reconstruire une vie avec les souvenirs d'un enfant? La première chose que celle-ci se rappelait, c'était une maison dans un jardin où il y avait des oiseaux. Au pied d'un grand mur, on voyait une rivière, et la nuit des lumières courir dans l'obscurité. Tous les jours, elle allait jouer aux Tuileries. Son papa Berthaud amenait souvent des amis dîner avec lui. Son papa Martel ne venait presque jamais. Un jour, elle s'en était allée en voyage avec sa maman. Ils avaient demeuré dans une maison où l'on ne voyait plus les arbres que par la fenêtre. Sa maman travaillait, travaillait toujours. Quand elle s'endormait le soir, quand elle se réveillait le matin, sa maman travaillait. C'était très triste. Elle n'allait plus aux Tuileries, et son papa Berthaud ne venait plus jamais. Un jour, il était revenu, et l'avait mené voir des gens courir sur la glace dans un bois, où il y avait de belles dames dans de belles voitures. Puis, elle ne se souvenait plus de l'avoir vu. On avait dit qu'il était mort. Alors, comme elle était malade, le médecin, M. Carbonneau, un grand vieux à cheveux gris, qui l'a forcé à manger de la viande crue, avait ordonné de quitter Paris. Avec sa maman et son papa Martel, ils étaient partis. On mangeait et on dormait en voiture, c'était très amusant. Ils avaient demeuré dans une maison où l'on se promenait sur le toit, qui était plat. C'était au bord de la mer. Il faisait très chaud. Ils étaient revenus à Paris dans un bateau, et ils étaient restés longtemps sur la mer. Elle avait eu mal au cœur, et sa maman aussi. Un soir, on avait apporté son petit frère. Il était rose comme un bébé, et puis après, ils étaient venus au Plessis. Dans quel pays était cette maison où l'on se promenait sur le toit et où il faisait chaud? Le midi, assurément. L'Italie, sans doute. Il y eut un point que Madame Pigache a voulu faire préciser à Victorine. Pendant qu'ils étaient dans ce pays, ne se rappelait-elle pas avoir assisté à une cérémonie dans une église, ou bien était-ce plus tard à Paris? Mais l'enfant ne se souvenait pas de cette cérémonie. Elle avait été à la messe dans des grandes églises où il faisait froid, avec sa maman souvent, quelquefois avec son papa Martel, c'était tout. Et Madame Pigache était forcée de s'arrêter, car si elle insistait, Victorine, la regardant avec ses grands yeux, lui disait « Pourquoi veux-tu savoir tout ça ?» Un jour même, impatientée, elle lui répondit « Moi, je ne me souviens pas. Demande à maman. » En même temps qu'elle conduisait lentement et progressivement cet interrogatoire, elle tâchait de l'éclairer et de le compléter par ce qu'elle pouvait tirer de Marie-Ange. Marie-Ange avait élevé Armande. Elle avait été à son service pendant son premier mariage. Elle y était encore. Elle devait tout savoir. « Ah oui, » disait celle-ci, lorsqu'on la mettait en train de causer par l'éloge de sa maîtresse. « Ah oui, madame a été courageuse. Elle en a eu à souffrir, allez. Quand je pense qu'il a été un temps où nous ne mangeons tous les deux que des pommes de terre pour que monsieur eût sa côtelette, et qu'elle ne se plaignait pas, qu'elle lui faisait bonne figure quand il rentrait de chez sa maîtresse, une gueuse qui nous a ruinés. L'avez-vous vue au théâtre, mademoiselle Lina ? Non. Eh bien, elle n'était pas jolie, ça c'est vrai. Je l'ai bien vue quand elle est venue à une soirée chez nous. » Sur toute cette phrase de la vie d'Armande, Marie-Ange ne tarissait pas. Mais dans ces histoires, il y avait une lacune. Il était arrivé un moment où, dans sa détresse, Armande n'avait pu garder sa bonne. Marie-Ange était retournée en Bretagne. Il n'était revenu à Paris qu'après la naissance de Julien, quand Armande était Madame Martel. Ainsi, toujours le même espace de temps sur lequel il était impossible d'avoir des renseignements précis. « Vois-tu, » disait-elle à Pigache lorsqu'elle l'interrogeait lui aussi, « il est bien certain qu'il y a un mystère dans leur vie, tout le cri. » « Eh bien, qu'est-ce que ça nous fait? Quel mystère veux-tu qu'il y ait, au surplus? Ils ont voyagé à l'étranger pendant ce temps qui te semble si plein d'obscurité. Voilà tout, c'est bien simple. » Pourquoi ne parle-t-il pas de leur mariage? Où s'est-il fait? Quand s'est-il fait? Il n'y a que toi au monde pour trouver cela simple et naturel. Je trouve que ça ne me regarde pas et je ne m'en occupe pas. Crois-tu qu'ils ont arrêté sur les grandes routes pendant ce temps-là? Je crois que quand Julien est né, il n'était pas marié. Voilà ce que je crois. Julien a 3 ans. Il y a 4 ans qu'ils sont mariés. Ils disent qu'il y a 4 ans, mais qui le prouve? As-tu reçu seulement à faire part de leur mariage? J'ai cherché dans tes papiers et pas une lettre de Martel. J'ai vu qu'il y a 2 ans et demi seulement qu'il t'a dit qu'il était marié. C'est lorsqu'il t'a écrit qu'il était fixé au Plessis. Est-ce naturel, cela? Puisque tu es son plus proche parent, ne devais-tu pas être à leur mariage? Ça te tient donc bien fort. Elle me fait bouillir le sang avec son air d'innocence. Eh bien, calme-toi. Tu sauras tout un jour. Quand Julien se mariera, on nous lira son acte de naissance. Dans 20 ou 25 ans, tu seras satisfaite. » Il se mit à rire, enchanté de sa plaisanterie, mais cependant un peu effrayé de sa hardiesse. Il savait par expérience ce qu'il en coûtait de répondre sur ce ton, et son mot n'avait pas eu le courage de la préméditation. « Son acte de naissance » s'écria-t-elle. « Pour la première fois, ta bête y sert à quelque chose. » Je suis bien simple de n'avoir pas pensé à cela depuis 6 mois que je me creuse la cervelle. Maintenant, sois tranquille, je n'attendrai pas 25 ans. » Elle savait que Julien allait avoir bientôt 4 ans, qu'il était né à Paris un mardi le 2 juin. Il ne lui restait donc plus qu'à apprendre où Martel et Armande demeuraient à ce moment. Ce dernier renseignement obtenu, elle irait à la mairie de l'arrondissement sur lequel la naissance avait eu lieu, relèverait une copie de l'acte et saurait enfin d'une manière précise ce qui la tourmentait si fort. Rien n'était plus facile. L'adresse des artistes se trouvant toujours dans les livrets d'exposition. Pourvu qu'il eût exposé cette année-là, elle a dormi mal toute la nuit. Le lendemain, quand Armande et Martel furent partis pour leur promenade habituelle, interrompant la leçon qu'elle donnait à Victorine, elle feignit d'avoir besoin d'un livre et courut à l'atelier où se trouvait la bibliothèque. Elle ouvrit le livret à la lettre M et lut « Martel, Aristide, né à Paris, élève de M. Glorian. » Médaille de 2e classe, chez M. Ferrafia, marchand de tableaux, rue Lafitte. C'était à pleurer de désappointement. Elle pensa un moment à s'adresser à Ferrafiat, mais celui-ci ne trouverait-il pas étrange qu'on vienne lui demander où demeurait M. Martel il y a 4 ans? N'en parlerait-il pas à celui-ci? Et Marie-Ange, qui précisément à cette époque était en Bretagne? Bon gré, mal gré, il fallait attendre. Il était impossible qu'avec une attention de tous les instants, elle ne saisit pas, un jour ou l'autre, un mot à ce sujet. 2 mois s'étaient déjà écoulés, lorsqu'un soir, une discussion s'engagea entre Martel et Gaillot, qui étaient venus passer le dimanche au Plessis. Il s'agissait de fixer la date de la mort de l'un de leurs camarades. « Je t'affirme qu'il y a 4 ans, disait Gaillot, c'est l'année où j'ai exposé ma victoire. Souviens-toi que je suis allé t'en prévenir. Tu demeurais à ce moment rue Berthe, et je vois encore Madame Armand dans le jardin. Elle était au soleil et tenait sur ses genoux Julien, qui n'avait pas un mois. » Elle laissa continuer la conversation. Elle le tenait enfin, ce mot si longtemps attendu. Puis, quand vint le moment de se séparer, elle demanda à Martel s'il ne pourrait pas la faire conduire le lendemain matin à la station de Villeneuve. « Je vous conduirai moi-même. Je vais demain aussi à Paris. Seulement, je ne reviendrai pas avec vous, car je ne rentrerai que mardi par la voiture de 5 heures. « Tu ne m'avais pas parlé de ce voyage ?» dit Pigache en sortant. L'idée m'en est venue tout à coup. Il n'était pas curieux. Il n'était pas non plus habitué à ce qu'on lui rendît des comptes. Il n'insista pas et se coucha tranquillement. Le lendemain, elle se sépara de Martel à la gare et se fit conduire immédiatement en voiture à la mairie. Lorsqu'elle entra dans le bureau des naissances, les employés déjeunaient. Ils avaient relevé leur pupitre et s'étaient rendus invisibles. Mais une forte odeur de haricots de mouton disait qu'ils étaient présents et occupés. « Je voudrais, » dit-elle en s'approchant. « Asseyez-vous. »« Tout à l'heure, » cria une voix empâtée. « Monsieur Minouflet, un verre d'eau, je vous prie, je m'étouffe. » Elle entendit le glouglou d'une carafe, puis un bruit de couteau et de fourchette. « Monsieur Minouflet, » reprit bientôt la même voix, « voulez-vous demander à Pépin s'il est disposé à prendre le café ?» Monsieur Pépin était disposé, car il entra presque aussitôt par une porte latérale. « Il était temps que vous m'appelassiez. Buck m'exaspère. Je ne peux plus rester au décès s'il y reste. On vient de lui déclarer un mort-né, et il tourmente le père pour qu'il fasse les frais de l'enterrement. Un pauvre diable, qui a l'air affamé. Il est là à lui dire « Allons, mon ami, ne ferez-vous rien pour ce pauvre enfant ?» Sans doute on lui fit signe que quelqu'un était là, car il l'acheva à voix basse. « Éteignez l'esprit de vin, » dit une voix, « ou la cafetière va sauter. »« Monsieur Pépin, » dit un garçon de bureau en entrant, « Monsieur Buck vous demande. »« Qu'est-ce qu'il y a ? L'hospice. »« Qu'il fasse signer en blanc, j'irai tout à l'heure. » Et ces messieurs reprirent leur conversation, causant de leurs affaires comme s'ils eussent été chez eux. Impatientée, Madame Pigache s'approcha de nouveau. « Je voudrais, » commença-t-elle, « quoi ? La copie d'un acte de naissance du 2 juin. L'employé n'est pas là. Attendez. » « Où donc est M. Tréouet ?» demanda la voix de M. Pépin. « Avec le sous-chef, à qui il raconte la première représentation qui a eu lieu hier à l'Ambigu. Tous les lendemains de première représentation, c'est comme ça. Il amuse M. Rousselot, qui croit tout ce qu'il dit, parce qu'il l'écrit dans les journaux. « Ça n'est pas drôle ce qu'il écrit. Je n'ai jamais compris son esprit. On dit pourtant qu'il en a. Enfin, il a été refusé aux examens de l'Hôtel de Ville pour sa rédaction. » Cela eût pu longtemps continuer ainsi si l'on avait apporté, pour le déclarer, un enfant qui poussait de tels cris que les employés durent, bon gré mal gré, s'interrompre. Enfin, M. Tréouet revint à son bureau, mais avant de répondre à Mme Pigache, il avait lui aussi ses nouvelles à raconter. « Messieurs, grand changement. Buck passe au 9e en attendant qu'on le destitue. M. Pépin passe au mariage. Le bureau des décès est complètement renouvelé. C'est le commissaire des morts de Montmartre qui remplace M. Godard, révoqué. » Il y avait une heure et demie que Mme Pigache attendait, lorsqu'elle put à la fin faire sa demande. « Revenez demain, » dit M. Tréouet, « l'acte sera prêt. »« Est-ce que vous ne pourriez pas me le laisser lire aujourd'hui ?» Elle avait fait sa demande d'une voix gracieuse. Elle était coquettement coiffée. M. Tréouet, qui était un employé de première année, se laissa toucher. « Je vais vous le lire. Prenez la peine de vous asseoir. » Il atteignit un grand registre vert, chercha la date indiquée et lut ce qui suit. Madame Pigache était frémissante. « Par devant nous, mère, etc., le 5e jour du mois de juin, a comparu M. Aristide Martel, peintre, âgé de 34 ans, demeurant à Paris, rue Verte, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né le 4 de ce mois, à 8 heures du soir, de lui, déclarant, et de la dame Armand de Kergomar, son épouse, et auquel il déclare donner le prénom de Julien. La présente déclaration faite en présence de M. François Carbonneau, membre de l'Académie de médecine, officier de l'Ordre de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue d'Alger numéro 30, et de Jean-Pierre Charvet, homme de lettres, demeurant aussi à Paris, rue de Laval, numéro 73, et on le déclarant et les témoins signés, etc. « C'est tout ?» demanda Mme Pigache. « Il ne manque rien, il me semble. » Et l'acte constate la naissance, l'individualité et la filiation de l'enfant. Il ne parle pas de l'acte de mariage. La loi ne le demande pas. D'ailleurs, vous voyez la déclaration du père, née de lui et de la dame Armand de Kergomar, son épouse. Qui prouve qu'elle est son épouse? Rien d'autre chose que sa déclaration. On déclare tout ce qu'on veut. Parfaitement. On peut même déclarer comme né de soi l'enfant d'un autre. Monsieur, je vous remercie. Je vous prie de me faire l'expédition de cet acte. Je viendrai la chercher dans quelques jours. Avoir dépensé tant d'efforts, d'adresse, de patience pour arriver à un pareil résultat, avoir attendu si longtemps pour attendre encore, ne sortir d'une incertitude que pour tomber dans une autre. Son épouse, disait l'acte. Elle devait l'être lorsque cet acte avait été signé, car il n'était pas homme à faire une fausse déclaration. Mais depuis combien maintenant était-il marié lorsque Julien était né? C'était l'acte de célébration de ce mariage qu'il fallait maintenant. Mais comment se le procurer alors qu'elle ne savait ni où ni quand le mariage s'était fait? Agacée, non découragée, elle s'en revint en bâtissant de nouveaux plans. De Villeneuve, où la laissait l'omnibus, elle avait une lieue à faire à pied pour gagner le Plessis, car elle n'avait pas dit qu'on vint la chercher en voiture. Au moment où elle prenait le chemin qui, à la sortie du village, coupe à travers la plaine, elle l'entendit marcher derrière elle. « Est-ce que madame va au Plessis ?»« Oui, monsieur. » Elle ralentit le pas. Elle était trop préoccupée pour engager une conversation avec ce compagnon de route qui, dans l'omnibus du chemin de fer, avait déjà lancé deux ou trois interrogations restées sans réponse. Car, portant un habit noir râpé, un chapeau roussi épelé, une cravate chinée, il n'avait point, malgré sa figure ouverte et ses yeux intelligents, une tournure à se rendre favorable le public de l'omnibus, composé ce soir-là de gens ayant maison de campagne. « Madame n'est pas du Plessis, cependant. »« Si, monsieur. »« Mon Dieu, pardonnez-moi ces questions, mais je croyais connaître tout le monde au Plessis. »« Vous ne l'habitez pas, cependant. »« Je l'ai quitté depuis quelques mois seulement. » À ce mot, elle le regarda plus attentivement, puis tout à coup, « Vous êtes monsieur Charvet ?» Et comme il montrait un visage stupéfait, « Je suis la cousine de monsieur Martel. J'ai si souvent entendu parler de vous, et vos portraits vous ressemblent. » Ce fut de la part de Charvet des questions sur Martel, sur Armande, sur les enfants. En apprenant que Martel n'était pas au Plessis, il laissa paraître un vif désappointement. Pendant quelques instants, il marcha la tête baissée. « Comme les enfants vont être heureux, » reprit-elle. « Tous les jours, ils me parlent de vous. Ils vous croient en Angleterre. J'ai traversé la Manche cette nuit. Et vous ne vous êtes point arrêté à Paris? Voilà qui est beau. » Il ne répliqua pas et promena ses regards sur la plaine où le blé qui commençait à couvrir la terre d'un tapis velouté ondulait sous le vent. « Les champs sont magnifiques, » dit-on. « Espère-t-on une bonne récolte ?»« Celle de M. Martel sera la meilleure qu'il ait eue. Il y a longtemps que vous êtes amis ?»« 20 ans, peut-être. »« Vous avez même été un des témoins de son mariage, je crois ?»« Son mariage, » dit-il en s'arrêtant et en la regardant. « Il me semblait l'avoir entendu dire, » reprit-elle après un moment. « Non, j'étais témoin de l'acte de naissance de Julien. C'est là ce qui vous a trompé. Assurément. Vous êtes pour longtemps au Plessis ? Non, je retourne en Angleterre. » Elle ne lui adressa point d'autres questions directes, car il paraissait vouloir éviter d'y répondre, mais elle se promit de l'observer pendant qu'il resterait au Plessis. Être venu de Londres exprès pour voir Martel, cela indiquait une affaire sérieuse. Être mécontent d'attendre au lendemain une affaire pressante. Célèbre par sa négligence pour ses intérêts personnels, par son dévouement pour ses amis, évidemment, il ne se serait pas dérangé s'il avait été question de lui seul. C'était donc Martel que très probablement cette affaire concernait. Quelle était-elle? Pourquoi aussi Charvet avait-il paru étonné lorsqu'elle lui avait demandé s'il avait été témoin du mariage? N'y avait-il pas même en lui plus que de l'étonnement? Madame Pigache ne s'était pas trompée. L'arrivée de Charvet fut une grande joie pour les enfants. Mais il ne fut pas avec eux ce qu'il était autrefois. Il ne répondit pas avec la même complaisance à leurs questions et ne se prêta pas de si bon cœur à leur jeu. Il y avait en lui quelque chose de contraint et de réservé qui surprit Armande, habituée à ses manières expansives. Elle pensa qu'il était sous le coup de nouveaux embarras d'argent, et elle se confirma dans cette idée lorsqu'il lui fait part de son intention de repartir pour Londres. « Restez donc avec nous, » lui dit-elle. « Votre chambre est telle que vous l'avez laissée. Je ne l'ai donnée à personne. Vous retrouverez vos plumes sur votre table. Vous verrez que nous vous attendions tous les jours. Ne sommes-nous pas votre famille? Par l'amitié, vous êtes notre frère, vous serez l'oncle de nos enfants. Ne serez-vous pas bien ici pour travailler? Vous pourrez acheter votre livre. C'est pour moi que je parle en vous adressant cette demande. Je voudrais vous faire partager notre bonheur. Qui peut vous retenir? Ce n'est pas la crainte de nous gêner ou de ne pas nous entendre. C'est encore moins, je l'espère, la question d'argent. D'ailleurs, vous savez que notre position va chaque jour s'améliorant. La ferme, l'année dernière, a donné un bénéfice net de plus de 20 000 francs. Cette année, elle donnera davantage. Et la commande du prince est une fortune. Ne repartez pas. je ne puis rester. Ah, si cela ne dépendait que de moi, comme je voudrais lui faire cette joie. Vous l'aimez bien ? Dit Charvet avec émotion. Il y a quelques jours, en nous promenant, ma ponette a manqué des quatre pieds en glissant sur l'herbe et s'est abattue. J'étais prise sous elle, et je souffrais tant d'une jambe que je la croyais cassée. Quand j'étais relevé, j'ai presque regretté qu'elle ne le fût pas. On dit que le bonheur, quand il est trop grand, se paye. J'aurais été heureuse de payer le nôtre. N'appelez point le malheur, il vient assez vite. Je pensais à la maladie, la seule fatalité dont notre bonheur ne soit pas à l'abri. Vous resterez, n'est-ce pas ? Sans répondre directement, il détourna la conversation et la ramena sur Martel. « À quelle heure l'envoyez-vous chercher demain ? » demanda-t-il. « Il arrivera à Villeneuve par la voiture de 4 heures et viendra à pied. J'irai au-devant de lui. » Elle avait l'intention d'y aller elle-même avec les enfants, mais pensant que Charvet serait peut-être gêné par sa présence, elle le conduisit seulement jusqu'à la maison de Pigache, à la croisée de la route du village et du chemin qui, à travers la plaine, va à Villeneuve. Elle n'entra point dans Villeneuve, mais, s'arrêtant aux premières maisons, il s'assit au bord du chemin et attendit. Bientôt un bruit de grelots lui annonça que l'omnibus arrivait dans le village. Il ne tarda pas à percevoir Martel qui s'avançait vers lui. Quand celui-ci l'eut reconnu, il poussa un cri joyeux. « Et quoi ? C'est toi, mon pauvre vieux. Te voilà revenu. Je te croyais en Angleterre, occupé à faire tourner les tables, les chapeaux, les cervelles. Tout tourne autour de moi, comme disait le perroquet de la mère Paillée. Quelle bonne surprise tu nous fais ! Tu ne nous quitteras plus. J'ai des amis au pouvoir. Je te ferai interner au Plessis. Mais tu ne ris pas. Ta figure est sombre. Et moi qui suis là à te dire des bêtises, qu'as-tu ? Une grande inquiétude qui m'a fait revenir. Parle, je suis à toi tout entier, parle vite. » Et comme Charvet regardait autour de lui, « Ne crains rien. Nous sommes plus seuls dans cette grande plaine qu'entre quatre murailles. Tu ne m'as jamais parlé de ton mariage. Pour cela, je ne t'en ai jamais parlé moi-même. Es-tu marié ? Pourquoi me demandes-tu cela ? Tu me fais peur. L'es-tu ? Oui. Comment ? Où ? » Martel s'arrêta, il était pâle. « Parle donc, » dit Charvet. « Tu sais bien que je ne te fais pas ces questions sans raison. Comment t'es-tu marié ? Tu te souviens que ce fut par un journal que nous apprîmes que Berthaud s'était noyé à Naples. Tu as vu grandir mon amour pour Armande. Cette mort la faisait libre. Tu dois comprendre comment je reçus cette nouvelle. Je partis immédiatement pour Naples. On n'avait point retrouvé le corps, et ni les autorités du pays, ni le consul de France n'avaient pu dresser d'acte de décès. Deux pêcheurs qui travaillaient sur la grève l'avaient vu se mettre à la mer et ne l'avaient point vu reparaître. Mais ce n'était pas suffisant pour dresser l'acte. Cependant, je fis recueillir leurs déclarations et en même temps, je fis faire toutes les recherches. Elles furent inutiles. Tout démontrait jusqu'à l'évidence qu'il était bien mort. Sa disparition, ses vêtements restés sur la grève, le témoignage des pêcheurs, la preuve était impossible. Je revins désespéré, car sans l'acte de décès, je ne pouvais épouser Armande. Alors que son mari l'avait abandonnée, qu'elle était libre et que nous nous aimions, la loi s'était déjà interposée entre nous pour nous séparer. Maintenant qu'il était mort, la loi nous séparait encore. La loi n'est dirigée que contre ceux qui n'ont pas de conscience et ont besoin d'en recevoir une toute faite. J'aimais Armande, elle m'aimait, ma conscience lui était engagée par des liens autrement solides que ceux du code. Mais Armande, tu connais la fermeté de ses idées de devoir envers elle-même et envers ses principes tels qu'elle les tient de son éducation et du monde. Pour elle, il fallait à notre mariage une célébration matérielle. Heureusement, la loi n'est pas partout la même. Carbonneau nous avait envoyés en Sicile pour la santé de Victorine malade. Aux yeux des prêtres de Palerme, l'espèce d'acte de notoriété que j'avais fait dresser à Naples d'après la déclaration des pêcheurs fut suffisant pour prouver la mort de Berthaud. On nous maria. Voilà comment nous nous sommes mariés. Et bien mariés, tu vois. Peut-être n'est-ce pas un bonheur ? Il hésita. Eh bien, dit Martel avec anxiété. Eh bien, Maurice, que vous croyez mort, n'est probablement pas mort. Maurice ? J'ai cru le voir il y a 3 jours. Tu as cru, tu as cru. Charvet fit un geste qui n'était que trop affirmatif. Dis-moi, dis-moi vite ce que tu sais. Va, va. Samedi soir, j'avais besoin de m'entendre avec Nedo Peuskin, et je savais que je le trouverais dans un saloon de Haymarket. Il y a des jours où son esprit l'abandonne, où il tombe en plein dans la matière. Samedi était un de ces jours. Tu ne connais pas Londres, n'est-ce pas ? Non ? Eh bien, ces saloons sont des sortes de cafés. Mais qui n'ont rien de nos cafés parisiens, surtout par le monde, hommes et femmes, qui les fréquentent. Je trouvais Nedo Peuskin en grande conversation avec une femme, et en attendant qu'il fût libre, je me mis à examiner les gens qui m'entouraient. Il y avait un pianiste dans un coin, occupé à jouer un quadrille français. Il me sembla que c'était Berthaud. Cette idée était si absurde que je la repoussai. Mais la ressemblance aussi était si extraordinaire que j'y revins malgré moi. C'était lui, c'était sa tête, ses yeux, ses manières. Seulement lui, épouvantablement changé, dévasté. J'allai à lui. « Comment, c'est toi ?» lui dis-je. Il me regarda, parut surpris, ne répondit rien. « Tu ne me reconnais donc pas ?» Je lui avais parlé en français. Il se pencha vers l'un de ses voisins et lui dit à mi-voix en anglais. « Voilà un Français qui est saoul. Il va bientôt vouloir m'embrasser. » « Vous voyez qu'il ne vous comprend pas, » me dit en français le voisin. J'étais stupide d'étonnement. Je revins à ma place et priai Nedopeouskine de demander à la femme qui était avec lui quel était ce pianiste. « Un Français ou un Italien ? » « Parle-t-il français ? » ?»« Très bien. » C'était une preuve de plus, mais je n'en avais pas besoin tant la ressemblance est frappante. « C'est lui, je l'affirme. » « Pourtant il ne t'a pas reconnu. » « Dis plutôt qu'il a faim de ne pas me reconnaître. » « Pourquoi ? Je n'en sais rien. » Mais j'étais si bien convaincu que c'était lui que je suis parti immédiatement pour venir t'avertir. Ainsi sa mort aurait été une rouerie, et cependant ses habits sur la grève, les pêcheurs qui l'ont vu disparaître. Enfin, il y a là un mystère qu'il faut éclaircir. J'irai à Londres. Si tu le reconnais, il te reconnaîtra aussi. Prends garde à ce qui peut arriver. Que veux-tu qu'il arrive de plus épouvantable ? Est-il rien de plus effrayant que cette incertitude ? Il faut que je sache, que je vois, ma pauvre Armande. Heureusement, aux yeux de la loi française, tu n'es pas mariée. Ils approchaient du Plessis et ils longeaient la haie du jardin de Pigache. « Tais-toi !» dit Martel à mi-voix. « Nous ne sommes plus dans la plaine. » En même temps, laissant Charbet dans le chemin, il sauta sur un tas de pierres et regarda par-dessus la haie. À genoux dans une plate-bande, la tête contre la charmille, Madame Pigache cueillait des fraises. « Quoi, c'est vous ? » dit-elle en se relevant. « Quelle peur vous m'avez faite ! Mais je ne vous en veux pas. Je vous porterai tout de même ce panier de fraises que je cueillais pour vous. À bientôt !» dit-il. Puis quand ils se furent éloignés un peu, « Que disions-nous donc ? » fit-il à voix basse. « Rien de grave, je crois. Tu parlais d'un mystère à éclaircir. » « Ah, tant mieux, car si jamais quelqu'un doit ignorer ce mystère, c'est celle qui vient de nous offrir des fraises. C'est la femme la plus curieuse du monde. J'ai la tête si troublée que je ne sais ce que nous disions. Et Armande, qui nous attend, tâche d'être gaie pendant le dîner, qu'elle ne soupçonne rien. Elle, si tranquille, si heureuse, quel coup ce serait ? Lui cacheras-tu donc la vérité ? Je ne sais pas. Avant tout, il faut voir si ce que tu crois est réellement la vérité. Je vais repartir ce soir pour Paris, et demain je serai à Londres. Veux-tu que je dise à Armande que je suis venu te chercher ? Oui, tu m'obligeras. Seulement, pour ne pas la tourmenter, dis que nous allons seulement à Paris. De Paris, je lui écrirai. » Elle s'avançait avec les deux enfants. « La voilà, soyons gais !»